Thank you.

thoughts of the rain. Thoughts of the rain. Thoughts of the rain. Never chatter. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? 1, 1, 1.